Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Parce qu'on enseigne, en espérant que vous ayez une merveilleuse journée. Parce qu'on enseigne se veut un podcast pour parler d'éducation. Il s'adresse aux enseignants et à tous ceux qui sont curieux d'en savoir plus dans une belle ambiance positive. Alors, chaque épisode sera composé de plusieurs sections. La première fera le tour de l'actualité et s'appelle « Dans les nouvelles ». On verra donc au niveau des médias ce qui parle d'éducation et on va le commenter. La prochaine s'appelle « Quand on se compare ». Et on va comparer le système d'éducation québécois à d'autres systèmes d'éducation au Canada ou ailleurs dans le monde. On verra ensuite nos belles qualités d'enseignants. Il faut en parler de nos qualités parce qu'on en a des merveilleuses puis on ne les met pas assez en valeur. On donnera ensuite des trucs de prof pour nous permettre de faire des nouveaux projets. Et nous terminerons avec les questions du public. Mais nous n'en aurons pas aujourd'hui puisque c'est le premier épisode. Et le tout sera animé par moi-même. Je m'appelle Eric et je suis enseignant au primaire depuis déjà quelques années. Si vous êtes prêts, allons-y! Dans les nouvelles. Alors, un des gros dossiers de la fin de l'année scolaire 2018 et qui nous affectera énormément cette année concerne la gratuité scolaire. Et oui, on a eu des jugements officiels et des directives ministérielles du ministre Proulx à propos de la gratuité scolaire. Et un de ces éléments-là inclut le fait que la gratuité scolaire des services éducatifs s'est inscrit dans la loi, donc nous devons d'appliquer ce principe. Ce qui inclut notamment les sorties et les activités éducatives organisées en application du régime pédagogique et du calendrier scolaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour nous concrètement? Ça veut dire que les sorties qui sont jugées comme pédagogiques et éducatives, donc toutes les sorties qui ont un lien avec notre enseignement et qui vont mener à de l'évaluation, on doit maintenant les offrir gratuitement aux parents. À titre d'exemple, on parle de sortie au théâtre, où il y aurait eu une évaluation en art. On parle d'invités scientifiques, d'auteurs ou d'invités en univers social qui viennent nous expliquer des choses et qu'on aurait eu l'intention d'évaluer. On parle d'une sortie au musée dans lesquelles les élèves auraient une appréciation à faire ou un rallye qui serait évalué. Tout ça, maintenant, doit être offert gratuitement. Et là, je vous entends. Ça n'a pas de bon sens. Les écoles ne peuvent pas prendre à charge tout ce montant d'argent-là. Et j'ai fait des petits calculs rapides. Dans une école de 600 élèves, qui est une école assez grande, et avec une moyenne de 45$ par élève pour les sorties, ce qui, je crois, est une moyenne respectable au Québec, eh bien, on parle de 27 000$ de sorties que l'école doit maintenant assumer. Dans ma commission scolaire seulement, si on prend cette moyenne-là, c'est plus d'1,5 million de nouvel argent que les écoles vont devoir débourser. Alors, même si le ministre dit qu'elle allait nous aider financièrement, je doute, mais j'aimerais bien être surpris, qu'il va être capable de compenser pour le montant faramineux que ça représente, toutes ces sorties scolaires-là qu'on ne pourra plus charger aux parents. Et là, il y a beaucoup d'inquiétudes dans les milieux culturels parce qu'il y a déjà eu plusieurs écoles qui ont fait des annulations de sorties qu'ils avaient l'habitude de faire à chaque année. Mais ne vous laissez pas envahir par la panique tout de suite, puisqu'il y a une lueur d'espoir. Je vous cite le ministre de l'Éducation, M. Proulx. Si nous ne sommes pas en lien avec le programme éducatif, mais qu'on y va pour s'amuser, jouer et avoir du plaisir, ou pour découvrir un musée ou participer à une activité culturelle qu'autrement il ne verrait pas, ce n'est pas une activité qui doit à tout prix être gratuite. C'est les paroles du ministre. Alors, ça va être à chaque conseil d'établissement, à chaque enseignant, à expliquer pourquoi sa sortie est pédagogique, éducative ou non. C'est un peu le renversement du fardeau par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Avant, nous, les enseignants, on devait justifier à notre conseil d'établissement à chaque année pourquoi nos sorties étaient considérées comme pédagogiques. Eh bien, maintenant, on va devoir leur prouver que nos sorties ne sont pas pédagogiques si on veut pouvoir les charger aux parents. C'est ce qui va nous permettre d'avoir, exemple, des voyages à Ottawa, Toronto ou dans d'autres villes qui coûtent plusieurs centaines de dollars. Il faut simplement démontrer que ce ne sont pas à des sorties éducatives en lien avec une évaluation. Mais une question demeure. Si nous faisons en classe de nombreuses activités préparatoires vers ces grandes sorties-là, et je pense entre autres en anglais où parfois il y a des camps anglophones dans certaines écoles où il y a beaucoup de préparation pour ces camps-là, et en univers social aussi, comme je disais, le voyage à Ottawa, si on se prépare avec des activités qui, elles, sont évaluées, comme la sortie, le voyage et la conclusion de plusieurs activités dans un projet qui lui est évalué, est-ce que ça rentre comme un projet pédagogique ou non? Il y a une énorme zone grise à cet endroit-là et là, ça va être vraiment important que vous consultiez votre conseil d'établissement, votre direction et que ce soit eux qui tranchent et pas seulement vous. Vous devez avoir les accords officiels pour ne pas vous retrouver à la fin de l'année avec des engagements vers une sortie qui coûte très cher et que l'école doit en assumer les frais parce que des parents ont décidé de mettre en application les nouvelles directives du ministre. Ça reste le sujet, je crois, le plus chaud de la rentrée, même que l'Association des directions générales des commissions scolaires a cru bon de produire une opinion juridique, quelque chose de très très officiel, pour savoir exactement quel service pouvait être facturé. Et dans cette opinion juridique-là, les quatre services suivants peuvent être facturés aux parents. Donc tout ce qui est activité parascolaire, donc les activités qui sont en dehors des heures de classe, tout ce qui est surveillance des élèves à l'heure du midi, les frais chargés par un tiers pour un programme particulier, et finalement, ce qui nous concerne vraiment nous les enseignants, les sorties éducatives non liées au programme d'études. Alors, conclusion de tout ça, parlez-en et assurez-vous d'avoir les bons renseignements par rapport à votre direction d'école et aux directives de votre établissement avant de réserver toutes vos sorties cette année. L'autre grand sujet de notre rentrée est l'arrivée des Ozzybot, BeeBot et autres robots dans nos classes. Et oui, le ministre a débloqué 45 millions de dollars cette année pour que les classes de toutes les écoles de la province puissent avoir accès à de la robotique. C'est donc toutes sortes de matériel technologique, passant de l'imprimante 3D aux petits robots, que les enseignants ont été invités à se procurer pour l'année en cours. Mais il y a un sentiment de déjà-vu pour plusieurs enseignants. Un peu comme l'arrivée des TBI, les fameux tableaux blancs interactifs. C'est bien beau, mais qui a été consulté sur la nécessité d'avoir de la robotique dans les écoles en ce moment? Et est-ce que les enseignants sont assez formés pour recevoir tous ces petits robots et savoir comment les utiliser efficacement? Bien sûr, ce n'est pas non plus la robotique une matière à l'évaluation. On peut l'inclure en sciences, mais on ne peut pas faire que ça pendant l'année. Plusieurs craignent donc que tous ces nouveaux robots finissent par prendre la poussière en attendant que les enseignants sachent vraiment comment les utiliser. Et sûrement que la rapidité avec laquelle les enseignants ont dû prendre leurs décisions a eu une grande influence dans tout ça. Est-ce que nous sommes vraiment prêts pour avoir des robots dans nos écoles? Seul l'avenir nous le dira. Alors, si on se comparait un petit peu à propos d'un sujet qui a aussi fait l'actualité l'année passée, les fameux taux de diplomation au Québec. Alors, il y a un article extrêmement intéressant qui a été publié dans La Presse par M. Francis Veil. Et il faut comprendre qu'au Québec, on est unique au Canada. Quand on se compare pour notre diplomation, on ne compare pas tout à fait la même chose. Premièrement, au Québec, on demande 60% pour l'obtention d'un diplôme. Nous sommes la seule province au Canada qui demandons un tel résultat. Les autres provinces demandent seulement 50%. Ça fait une énorme différence sur le taux de diplomation. Deuxièmement, l'étude qui a été utilisée pour arriver à ces résultats-là et ce qui est sorti dans les médias, eh bien, ça ne tient pas compte de tous les étudiants qui doivent arrêter l'école pour un certain moment, mais qui terminent quand même en 5 ans d'école. Exemple, ceux qui arrêtent pour de la maladie pendant un an ou qui sont en voyage à l'extérieur pendant quelque temps, tous ceux-là sont automatiquement considérés comme n'ayant pas obtenu leur diplôme dans le temps nécessaire. Même chose pour ceux qui réussissent tous leurs cours, sauf un cours de français, qui vont réussir l'année suivante, la session suivante, je dirais même, ou qui peuvent même terminer pendant l'été, ceux-là sont considérés, ne sont pas considérés comme ayant atteint leur diplôme à l'intérieur des 5 ans. Ce qui est vrai, mais ça fait quand même un barème extrêmement sévère. C'est quand même au Québec qu'on a la plus forte chance d'avoir un diplôme secondaire. 98%, c'est le meilleur dans tout le Canada. La moyenne canadienne, c'est 87%, alors on s'en sort bien. Quand on va creuser un petit peu plus loin, on découvre qu'au niveau du Québec, on est souvent dans les meilleurs à tout ce qui est les tests internationaux, tout ce qui est les tests comparatifs. On dépasse habituellement toutes les autres provinces. On est beaucoup plus fort. Et ça nous amène la question, si on est plus fort dans les tests internationaux, comment ça se fait que, selon cette étude-là, on a des décrocheurs, on a des problèmes avec la rétention des garçons à l'école, l'obtention de leur diplôme et tout. Eh bien, c'est juste parce que dans cette étude-là, les médias ont pris les résultats, n'ont pas pris la peine d'expliquer l'ensemble. Alors, rassurons-nous entre nous, chers professeurs du Québec, on fait vraiment bien notre travail. Les autres provinces regardent chez nous et essaient de comprendre comment ça se fait qu'on réussit aussi bien dans plein de domaines. On n'a pas à avoir honte, faut continuer. Faut continuer à être bon, faut continuer à être innovateur, et il faut pas croire que le fait qu'il y ait certains élèves qui ne terminent pas leur secondaire après le temps, je vais dire normal, fait qu'on n'a pas des élèves qui sont quand même extrêmement performants sur le marché du travail et qui sont des diplômés. Il y a plein de gens qui n'ont pas besoin de diplôme de secondaire 5 pour réussir dans la vie, même si la majorité d'entre eux vont le chercher quand même. Alors, pas de panique à ce niveau-là. Au Québec, on est excellent. Comment est-ce que vous vous présentez à un nouveau groupe d'élèves? C'est à chaque année la même question qui revient dans la tête de tous les enseignants. Est-ce que cette année, je me présente en faisant une pige d'objets qui sont représentatifs de ma vie? Ils vont piger mon livre préféré, ils vont piger une photo de voyage. Et à chaque fois, je vais expliquer pourquoi l'objet est significatif dans ma vie. Ça, c'est une méthode qu'on voit souvent. Ou est-ce qu'au contraire, je fais une présentation très, très simple en avant. Bonjour, je suis monsieur ou madame. Et j'explique qui je suis avec un rapide parcours. Et après ça, on passe tout de suite dans l'essentiel scolaire, hein? On oublie l'individu, on s'en va directement vers les procédures, la matière, quel zootechne, va avec quelle matière. Il y en a d'autres aussi qui préfèrent faire une grande tournée. Chaque élève se présente, parle de son été, et l'enseignant s'inclut dans cette présentation-là. Quand c'est son tour, l'enseignant se présente, parle de son été, tout le monde se souhaite une belle année à venir, et on continue après. Cette méthode-là fonctionne bien chez les plus petits ou dans des nouveaux établissements scolaires. En secondaire 1, ça peut fonctionner un peu. C'est pour les profs qui l'osent, parce qu'il y en a beaucoup au secondaire qui n'osent même plus faire de ce type de présentation-là. Mais plus les élèves avancent dans le même établissement scolaire, moins ça fonctionne. Parce que les élèves, entre eux, ils se connaissent. Ils se voient l'été. Le nouveau, c'est toi. Eux, ce n'est pas des nouveaux. Eux, ils se connaissent. Alors, proposition pour ceux qui sont à l'aise, pourquoi ne pas faire un vidéo de présentation? Hein? Un petit vidéo, aller vers ce que les jeunes font naturellement. Donc, les jeunes en ce moment, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils suivent sur YouTube des YouTubers, ils suivent leurs chanteurs sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Les jeunes sont très, très, très connectés. Alors, quand ils arrivent en classe, là, c'est un humain qui leur parle en avant. Et cet humain-là, ils n'ont aucun lien avec lui. Mais, le fait d'aller voir sur Internet, d'aller se renseigner, d'être d'une certaine façon autodidacte, dans son apprentissage, ça, ça parle beaucoup aux jeunes maintenant. Donc, si vous faites un cours vidéo, présentation de vous, pendant 2 minutes, dans lequel vous pouvez même inclure des petits jeux, ou une petite énigme, ou quelque chose comme ça, et que ces jeunes-là ont accès à ces vidéos-là à l'avance, là, vous allez piquer leur curiosité. Ils vont avoir hâte d'être assis dans votre classe, puis de vous rencontrer, parce qu'ils ont l'impression de déjà vous connaître. Ils ont l'impression d'avoir été privilégiés par rapport à cette rencontre-là. Vous êtes une vedette qu'ils s'en vont voir parce qu'ils vous ont vu dans un écran. Et ce qui est génial, c'est que quand on fait ce genre de vidéo-là à l'avance, on peut faire autant de prises qu'on veut. Si on bafoue sur un mot, si on se trompe dans notre message, on peut reprendre. On peut reprendre. Il n'y a pas de problème pour ça. Encore plus génial que ça, si vous vous organisez entre collègues, vous pouvez carrément prendre 1 heure dans vos journées pédagogiques de début d'année pour faire ce petit vidéo-là de 2 minutes dans lequel vos collègues peuvent vous donner un coup de main. Vous pourriez même faire une vidéo collective. Parce qu'au primaire, on sait que souvent les élèves apprennent qui est leur prof seulement la première journée en arrivant à l'école. Avant ça, c'est une espèce de surprise. Donc, si c'est une vidéo collective des enseignants du niveau, et après ça, les listes d'envoi de courriel sont souvent prêtes à l'avance pour les parents. Alors, ce vidéo-là, ce lien vidéo-là peut être envoyé à tous les parents en leur disant, vous arrivez en 3, 4, 5e année, voici une vidéo de présentation de tous les profs. Votre enfant va avoir un de ces profs-là. Donc, profitez-en pour le regarder avec votre enfant. Bonne façon de commencer l'année. C'est la rentrée, et cette rentrée-ci est un peu particulière dans mon cas. Je remarque que beaucoup de gens semblent la trouver difficile. Les vacances n'ont pas été assez longues, la rentrée a l'air complexe. Eh bien, peut-être que c'est le moment de se dire entre nous, les enseignants, qu'on peut faire ça plus positif comme rentrée. Et pour ça, je vous inviterai à faire preuve de disponibilité. Disponibilité principalement envers vos nouveaux collègues qui vont arriver à l'école et qui ne connaissent pas tout. Et là, attention, quand je dis disponibilité, je ne dis pas d'aller faire les photocopies à leur place ou de préparer leur plan de cours, là, pas du tout. Mais juste bien les accueillir. Montrer que s'ils ont des questions, ben, vous pouvez être une personne ressource pour eux. Ça va diminuer leur stress. Et un enseignant qui est moins stressé fait moins d'erreurs. On le sait. Quand on fait des erreurs, ça a des répercussions partout dans notre travail. Ça peut avoir des répercussions sur nos collègues, ça peut avoir des répercussions sur nos élèves qui après ça s'en vont dans d'autres classes. Si un enseignant est moins stressé parce qu'il sent mieux accueilli dans son milieu, il sent mieux épaulé par ses collègues, c'est tout le monde qui en sort gagnant. Alors, soyons disponibles les uns pour les autres en cette rentrée. C'est donc sur ce super conseil qu'on va terminer le premier podcast Parce qu'on enseigne. J'espère que vous avez apprécié et que vous allez être présents aussi pour les suivants. À la prochaine et bonne rentrée!